Experiments. City. Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetin. Expérimente. Very much. Experiments, bonsoir, nous avons pris l'antenne avec un peu de retard, environ 30 minutes dû à mon incompétence et à mon caractère notoirement peu fiable, mais malgré tout nous sommes là, comme vous pouvez le constater, prêts à vous balancer de nouvelles salves de musique sur UFM, 106.9 sur la bande FM, ufm.be sur le web, et c'est de retour d'Experiments, votre rendez-vous à vous, les fanatiques de musique atypique. Co-présenté et co-animé par Nico Deck et votre serviteur Raoul Piouk. Bonsoir Nico. Bonsoir. Et voilà ce qu'on vient de vous dire et le peu que vous entendrez de nous ce soir, parce qu'on va vraiment laisser place à la musique pour compenser notre retard et vous balancer les tracks sans forcément les nommer, les décrire ou les enrichir de détails qui vous font de toute façon chier d'habitude, alors autant s'abstenir. Vous retrouverez par contre, comme d'habitude, en ligne dès l'upload de notre podcast tous les détails utiles sur chacun des artistes, chacun des morceaux que vous nous aurons passés. Et en attendant, place au son. Thank you.

Experiments. We'll be right back. Strawberry Burns. We'll be right back. Oh! Take us into the green. Death by heel. que cela appelle. Eaters of the soil, take us into the ground. Eaters of the air, drive us from the sky. Eaters of the green, take us into the sea. Eaters of the scraps, take us in our beds. By storm. Sorry, Experiment. Voilà, Experiments, notre numéro du mois de novembre touche bientôt à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié notre sélection musicale. Et nous vous donnons, comme toujours, rendez-vous le mois prochain, à nouveau le deuxième dimanche du mois, ce qui nous donnera cette fois le 13 décembre. On va clôturer cette émission avec deux derniers extraits de la programmation de Nickodeck. Donc ce sera Nicolas Artist, Peter Brotzmann. Peter Brotzmann Octet avec Machine Gun. Bon ben c'est tout même ancien, mais ça n'a pas vieilli, en tout cas moi je ne trouve pas, et c'est toujours d'actualité vu le petit conflit armé qu'il peut avoir à différents endroits. Certes. S'il y a bien un truc qui ne finira jamais, c'est bien ça. Ben c'est une chouette manière de clôturer ce numéro. Et voilà, on vous souhaite à tous une bonne soirée en compagnie de Balou pour son émission Radioactivity qui suivra dès 20h. Restez à l'antenne, restez sur UFM et continuez à découvrir autant que possible du bon son. Bye! Oh yeah! I'm sur le 106.9.